L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Voilà encore une première, et pas des moindres, hein. Une équipe d'astronomes américano-néerlando-japonaise vient de publier dans Nature la découverte de la présence de molécules organiques complexes au sein d'un disque protoplanétaire entourant une étoile toute jeune. Cette découverte a été réalisée avec le réseau de radiotélescopes ALMA, dont nous avons déjà souvent parlé ici. L'étoile en question est nommée MWC 480, MWC signifiant Mount Wilson Catalog. Autour de MWC 480 se trouve un disque de poussière nouvellement formé qui ressemble un peu à la ceinture de Kuiper entourant notre Soleil. Et dans le cas de MWC 480, on ne trouve pas que de l'eau en grande quantité, mais du cyanure de méthyle, CH3CN, et du cyanure d'hydrogène, HCN. La quantité de cyanure de méthyle mise en évidence est suffisante pour remplir tous les océans terrestres. L'équipe d'astrochimistes, comme on peut les appeler, menée par Karin Öberg du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, montre pour la première fois donc qu'on retrouve des compositions chimiques similaires à ce qui est observé dans les comètes de notre propre système solaire, mais autour d'une étoile récemment formée, située à 455 années-lumière, dans une zone de formation d'étoiles observable dans le taureau. NWC 480 n'a seulement que 1 million d'années, comparé aux 4,6 milliards du Soleil. Ce disque protoplanétaire est très jeune, s'étant récemment agrégé à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussière, et aucune trace de planète n'a encore pu y être trouvée. En fait, les astronomes savent depuis un moment que les nuages de gaz et de poussière froids sont les lieux idoines pour servir de véritables usines à molécules organiques complexes. Et ce qui rend très très intéressante la molécule de cyanure de méthyle, c'est qu'elle contient des liaisons carbone-azote qui sont essentielles à la formation d'acides aminés, les bases de l'ADN et de l'ARN et autres protéines. Jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à hier, on ne savait pas si de telles molécules organiques complexes pouvaient se former en quantité et survivre dans un environnement de rayonnement intense et d'ondes de choc, si prompt à détruire les moindres liaisons chimiques. Eh bien, on sait aujourd'hui que c'est tout à fait possible et que cela semble même être très efficace. Il apparaît que ces molécules organiques sont beaucoup plus abondantes dans ce type de nuages protoplanétaires que dans des nuages interstellaires. Et qui plus est, il semble aussi que ces disques protoplanétaires permettent de produire de telles molécules dans un temps relativement court. C'est à une distance comprise entre 4,5 et 15 milliards de kilomètres, ce qui veut dire entre 30 et 100 unités astronomiques, de l'étoile, qu'on a détecté les grandes quantités de cyanure de méthyle, ce qui correspond à la zone de formation des comètes pour MWC 480, qui est quand même deux fois plus massive que le Soleil. Les astronomes estiment que toutes ces molécules organiques, dans la suite de l'évolution de ce système planétaire, vont se retrouver au sein de petits corps de type comète, qui pourront, dans un futur plus lointain, ensemencer d'autres corps plus gros comme des planètes. Une chose est désormais certaine, la chimie organique qui a donné naissance aux molécules qui nous composent existe bien ailleurs dans l'univers. Bon, on pouvait s'en douter, mais c'est toujours mieux d'en avoir une preuve observationnelle. L'article paraît dans Nature le 9 avril, donc demain, oui, sous le titre « Cometary Composition of a Protoplanetary Disk as Revealed by Complex Cyanides » par Karin Öberg et al. Et c'est aussi un communiqué de l'ESO, qui s'intitule Complex Organic Molecules Discovered in Infant Star System, dont le lien est mis en bas de ce post. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute, hein, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr toujours. Et n'oubliez pas de jouer au grand quiz de Ça se passe là-haut, le quiz astro, oui, le numéro 3 déjà, pour apprendre plein de belles choses tout en s'amusant. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut.